s'unissent. Le chemin de fer, avant d'arriver à Tunis, traverse un superbe pays de montagnes boisées. Après s'être élevé, en dessinant les lacets démesurés jusqu'à une altitude de 780 mètres, d'où on domine un immense et magnifique paysage, il pénètre dans la Tunisie par la Croumirie. C'est alors une suite de monts et de vallées désertes, où jadis s'élevaient des villes romaines. Voici d'abord les restes de Tagaste, où naquit Saint-Augustin, dont le père était décurion. Plus loin, c'est Tubursicum humidarum, dont les ruines couvrent une suite de collines rondes et verdoyantes. Plus loin encore, c'est Mador, où naquit Apulée à la fin du règne de Trajan. On ne pourrait guère énumérer les cités mortes près desquelles on va passer jusqu'à Tunis. Tout à coup, après de longues heures de route, on aperçoit dans la plaine basse les hautes arches d'un aqueduc à moitié détruit, coupé par places, et qui allait, jadis, d'une montagne à l'autre. C'est l'aqueduc de Carthage dont parle Flaubert dans Salammbô. Puis, on côtoie un beau village, on suit un lac éblouissant, et on découvre les murs de Tunis. Nous voici dans la ville. Pour en bien découvrir l'ensemble, il faut monter sur une colline voisine. Les Arabes comparent Tunis à un burnous étendu, et cette comparaison est juste. La ville s'étale dans la plaine, soulevée légèrement par les ondulations de la terre qui font saillir par places les bords de cette grande tache de maisons pâles, d'où surgissent les dômes des mosquées et les clochers des minarets. À peine distingue-t-on, à peine imagine-t-on que ce sont là des maisons, tant cette plaque blanche est compacte, continue et rampante. Autour d'elle, trois lacs, qui, sous le dur soleil d'Orient, brillent comme des plaines d'acier. Au nord, au loin, la Sebra Erbouan. À l'ouest, la Sebra Sedjoum, aperçue par-dessus la ville. Au sud, le grand lac d'Aïra ou lac de Tunis. Puis, en remontant vers le nord, la mer, le golfe profond, pareil lui-même à un lac dans son cadre éloigné de montagnes. Et puis, partout autour de cette ville plate, des marécages fangeux où fermentent des ordures, une inimaginable ceinture de cloaques en putréfaction, des champs nus et bas, où l'on voit briller, comme des couleuvres, de minces cours d'eau tortueux. Ce sont les égouts de Tunis qui s'écoulent sous le ciel bleu. Ils vont sans arrêt, empoisonnant l'air, traînant leurs flots lents et nauséabonds, à travers des terres imprégnées de pourriture, vers le lac, qu'ils ont fini par emplir, par combler sur toute son étendue. Car la sonde y descend dans la fange jusqu'à 18 mètres de profondeur. On doit entretenir un chenal à travers cette boue afin que les petits bateaux y puissent passer. Mais, par un jour de plein soleil, la vue de cette ville couchée entre ces lacs, dans ce grand pays que ferment au loin des montagnes, dont la plus haute, le Zagouan, apparaît presque toujours coiffée d'une nuée en hiver, est la plus saisissante et la plus attachante, peut-être, qu'on puisse trouver sur le bord du continent africain. Descendons de notre colline et pénétrons dans la cité. Elle a trois parties bien distinctes, la partie française, la partie arabe et la partie juive. En vérité, Tunis n'est ni une ville française, ni une ville arabe, c'est une ville juive. C'est un des rares points du monde où le juif semble chez lui comme dans une patrie, où il est le maître, presque ostensiblement, où il montre une assurance tranquille, bien qu'un peu tremblante encore. C'est lui surtout qui est intéressant à voir, à observer dans ce labyrinthe de ruelles étroites, où circule, s'agite, pullule la population la plus colorée, bigarrée, drapée, pavoisée, miroitante, soyeuse et décorative de tout ce rivage oriental. Où sommes-nous ? Sur une terre arabe ou dans la capitale éblouissante d'Arlequin ? D'un Arlequin qui s'est amusé à costumer son peuple avec une fantaisie étourdissante. Il a dû passer par Londres, par Paris, par Saint-Pétersbourg, ce costumier divin, qui, revenu plein de dédain des pays du Nord, bariola ses sujets avec un goût sans défaillance et une imagination sans limite. Non seulement il voulut donner à leurs vêtements des formes gracieuses, originales et gaies, mais il employa, pour les nuancer, toutes les teintes créées, composées, rêvées par les plus délicats aquarellistes. Aux Juifs seuls, il toléra les tons violents, mais en leur interdisant les rencontres trop brutales et en réglant l'éclat de leurs costumes avec une hardiesse prudente. Quant aux Maures, ses préférés, tranquilles marchands accroupis dans les souks, jeunes gens alertes ou gros bourgeois allant à pas lents par les petites rues, il s'amusa à les vêtir avec une telle variété de coloris que l'œil, à les voir, se grise comme une grive avec des raisins. Oh, pour cela, pour ces bons orientaux, ces levantins métis de Turcs et d'Arabes, il a fait une collection de nuances si fines, si douces, si calmées, si tendres, si pâlies, si agonisantes et si harmonieuses, qu'une promenade au milieu d'elles est une longue caresse pour le regard. Voici des burnous de cachemire, ondoyant comme des flots de clarté. Puis des haillons superbes de misère, à côté des djebas de soie, longues tuniques tombant aux genoux, et de tendres gilets appliqués au corps, sous les vestes à petits boutons, égrenés le long des bords. Et ces djebas, ces vestes, ces gilets, ces haïks, croisent, mêlent et superposent les plus fines colorations. Tout cela est rose, azuré, mauve, vert d'eau, bleu pervenche, feuilles mortes, chair de saumon, orangé, lilas fané, lit de vin, gris ardoise. C'est un défilé de féerie, depuis les teintes les plus évanouies jusqu'aux accents les plus ardents. Ceci noyé dans un tel courant de notes discrètes que rien n'est dur, rien n'est criard, rien n'est violent le long des rues, ces couloirs de lumière qui tournent sans fin, serrés entre les maisons basses peintes à la chaux. À tout instant, ces étroits passages sont obstrués presque entièrement par des créatures obèses, dont les flancs et les épaules semblent toucher les deux murs à chaque balancement de leur marche. Sur leur tête se dresse une coiffe pointue, souvent argentée ou dorée, sorte de bonnet de magicienne, d'où tombe par derrière une écharpe. Sur leur corps monstrueux, masse de chair houleuse et ballonnée, flottent des blouses de couleurs vives. Leurs cuisses informes sont emprisonnées en des caleçons blancs collés à la peau. Leurs mollets et leurs chevilles, empâtées par la graisse, gonflent des bas, ou bien, quand elles sont en toilette, des espèces de gaines en drap d'or et d'argent. Elles vont à petits pas pesants sur des escarpins qui traînent, car elles ne sont chaussées qu'à la moitié du pied, et les talons frôlent et battent le pavé. Ces créatures étranges et bouffies, ce sont les juives, les belles juives. Dès qu'approche l'âge du mariage, l'âge où les hommes riches les recherchent, les fillettes d'Israël rêvent d'engraisser. Car plus une femme est lourde, plus elle fait honneur à son mari, et plus elle a de chances de le choisir à son gré. À 14 ans, à 15 ans, elles sont, ces gamines sveltes et légères, des merveilles de beauté, de finesse et de grâce. Leur teint pâle, un peu maladif, d'une délicatesse lumineuse, leurs traits fins, ces traits si doux d'une race ancienne et fatiguée, dont le sang ne fut jamais rajeuni, leurs yeux sombres, sous les fronts clairs, qu'écrase la masse noire, épaisse, pesante des cheveux ébouriffés, et leur allure souple quand elles courent d'une porte à l'autre, emplissent le quartier juif de Tunis d'une longue vision de petites Salomé troublantes. Puis elles songent à l'époux. Alors commence l'inconcevable gavage qui fera d'elles des monstres. Immobiles maintenant, après avoir pris chaque matin la boulette d'herbes apéritives qui surexcite l'estomac, elles passent les journées entières à manger des pâtes épaisses qui les enflent incroyablement. Les seins se gonflent, les ventres ballonnent, les croupes s'arrondissent, les cuisses s'écartent, séparées par la bouffissure. Les poignets et les chevilles disparaissent sous une lourde coulée de chair. Et les amateurs accourent, les jugent, les comparent, les admirent comme dans un concours d'animaux gras. Voilà comme elles sont belles, désirables, charmantes, les énormes filles à marier. Alors, on voit passer ces êtres prodigieux, coiffés d'un cône aigu nommé koufia, qui laisse pendre sur le dos le beshkir, vêtu de la karnisa flottante, en toile simple ou en soie éclatante, culotté de maillot tantôt blanc tantôt ouvragé, et chaussé de savate traînante, dit saba. Être inexprimablement surprenant, dont la figure demeure encore souvent jolie sur ses corps d'hippopotame. Dans leur maison, facilement ouverte, on les trouve le samedi, jour sacré, jour de visite et d'apparat, recevant leurs amis dans les chambres blanches, où elles sont assises les unes près des autres, comme des idoles symboliques, couvertes de soieries et d'oripeaux luisants, déesses de chair et de métal, qui ont des guêtres d'or aux jambes et, sur la tête, une corne d'or. La fortune de Tunis est dans leurs mains, ou plutôt dans les mains de leurs époux, toujours souriants, accueillants et prêts à offrir leurs services. Dans bien peu d'années, sans doute, devenues des dames européennes, elles s'habilleront à la française. Et, pour obéir à la mode, jeûneront afin de maigrir. Ce sera tant mieux pour elles, et tant pis pour nous, les spectateurs. Dans la ville arabe, la partie la plus intéressante est le quartier des souks. Longues rues voûtées ou torturées de planches, à travers lesquelles le soleil glisse des lames de feu, qui semblent couper au passage les promeneurs et les marchands. Ce sont les bazars, galeries tortueuses et entrecroisées, où les vendeurs, par corporation, assis ou accroupis au milieu de leurs marchandises, en de petites boutiques couvertes, appellent avec énergie le client ou demeurent immobiles dans ces niches de tapis, d'étoffes de toutes couleurs, de cuir, de brides, de sel, de harnais brodés d'or, ou dans les chapelets jaunes et rouges des babouches. Chaque corporation a sa rue, et l'on voit, tout le long de la galerie, séparée par une simple cloison, tous les ouvriers du même métier travailler avec les mêmes gestes. L'animation, la couleur, la gaieté de ces marchés orientaux ne sont point possibles à décrire, car il faudrait en exprimer en même temps l'éblouissement, le bruit et le mouvement. Un de ces souks a un caractère si bizarre que le souvenir en reste extravagant et persistant comme celui d'un songe. C'est le souk des parfums. En d'étroites cases, pareilles, si étroites qu'elles font penser aux cellules d'une ruche, alignées d'un bout à l'autre et sur les deux côtés d'une galerie un peu sombre, des hommes, au teint transparent, presque tous jeunes, couverts de vêtements clairs et assis comme des bouddhas, gardent une rigidité saisissante dans un cadre de longs cierges suspendus, formant autour de leur tête et de leurs épaules un dessin mystique et régulier. Les cierges d'en haut, plus courts, s'arrondissent sur le turban. D'autres, plus longs, viennent aux épaules. Les grands tombent le long des bras. Et cependant, la forme symétrique de cette étrange décoration varie un peu de boutique en boutique. Les vendeurs, pâles, sans gestes, sans paroles, semblent eux-mêmes des hommes de cire en une chapelle de cire. Autour de leurs genoux, de leurs pieds, à la portée des mains, si un acheteur se présente, tous les parfums imaginables sont enfermés, en de toutes petites boîtes, en de toutes petites fioles, en de tout petits sacs. Une odeur d'encens et d'aromates flotte, un peu étourdissante, d'un bout à l'autre du souk. Quelques-uns de ces extraits sont vendus très cher, par goutte. Pour les compter, l'homme se sert d'un petit coton qu'il tire de son oreille et y replace ensuite. Quand le soir vient, tout le quartier des souks est clos par de lourdes portes à l'entrée des galeries, comme une ville précieuse enfermée dans l'autre. Lorsqu'on se promène au contraire par les rues neuves, qui viennent aboutir dans le marais à quelques courants d'égout, on entend soudain une sorte de chant bizarre, rythmé par des bruits sourds, comme des coups de canon lointains, qui s'interrompent quelques instants pour recommencer aussitôt. On regarde autour de soi et on découvre, au ras de terre, une dizaine de têtes de nègres enveloppées de foulards, de mouchoirs, de turbans, de loques. Ces têtes chantent un refrain arabe, tandis que les mains, armées de dames pour tasser le sol, tapent en cadence au fond d'une tranchée sur les cailloux et le mortier qui feront des fondations solides à quelques nouvelles maisons bâties dans ce sol huileux de fange. Sur le bord du trou, un vieux nègre, chef d'escouade de ses pileurs de pierre, bat la mesure avec un rire de singe. Et tous les autres aussi rient en continuant leur bizarre chanson que scandent des coups énergiques. Ils tapent avec ardeur et rient avec malice devant les passants qui s'arrêtent. Et les passants aussi, c'est gai. Les Arabes parce qu'ils comprennent, les autres parce que le spectacle est drôle. Mais personne, assurément, ne s'amuse autant que les nègres, car le vieux crie « Allons, frappons !» Et tous reprennent en montrant leurs dents et en donnant trois coups de pilon. « Sur la tête du chien de Roumi !» Le nègre clame en mimant le geste d'écrasé « Allons, frappons !» Et tous « Sur la tête du chien de Yout !» Et c'est ainsi que s'élève la ville européenne dans le quartier neuf de Tunis. Ce quartier neuf, quand on songe qu'il est entièrement construit sur des vases peu à peu solidifiés, construit sur une matière innommable, faite de toutes les matières immondes que rejette une ville, on se demande comment la population n'est pas décimée par toutes les maladies imaginables, toutes les fièvres, toutes les épidémies. Et en regardant le lac, que les mêmes écoulements urbains envahissent et comblent peu à peu, le lac, dépotoir nauséabond, dont les émanations sont telles que par les nuits chaudes, on a le cœur soulevé de dégoût. On ne comprend même pas que la ville ancienne, accroupie près de ce cloaque, subsiste encore. On songe aux fiévreux aperçus dans certains villages de Sicile, de Corse ou d'Italie, à la population difforme, monstrueuse, ventrue et tremblante, empoisonnée par des ruisseaux clairs et de beaux étangs limpides, et on demeure convaincu que Tunis doit être un foyer d'infections pestilentielles. Eh bien non, Tunis est une ville saine, très saine. L'air infect qu'on y respire est vivifiant et calmant, le plus apaisant, le plus doux au nerf surexcité que j'ai jamais respiré. Après le département des Landes, le plus sain de France, Tunis est l'endroit où sévissent le moins toutes les maladies ordinaires de nos pays. Cela paraît invraisemblable, mais cela est. Ô médecin moderne, oracle grotesque, professeur d'hygiène, qui envoyez vos malades respirer l'air pur des sommets, ou l'air vivifié par la verdure des grands bois, venez voir ces fumiers qui baignent Tunis. Regardez ensuite cette terre, que pas un arbre n'abrite et ne rafraîchit de son ombre. Demeurez un an dans ce pays, plaine basse et torride sous le soleil d'été, marécages immenses sous les pluies d'hiver, puis entrer dans les hôpitaux. Ils sont vides. Questionnez les statistiques, vous apprendrez qu'on y meurt de ce qu'on appelle, peut-être à tort, sa belle mort, beaucoup plus souvent que de vos maladies. Alors, vous vous demanderez peut-être si ce n'est pas la science moderne qui nous empoisonne avec ses progrès. Si les égouts dans nos caves et les fosses voisinantes avec notre vin et notre eau ne sont pas des distillateurs de mort à domicile, des foyers et des propagateurs d'épidémies plus actifs que les ruisselets d'immondices qui se promènent en plein soleil autour de Tunis. Vous reconnaîtrez que l'air pur des montagnes est moins calmant que le souffle bacillifère des fumiers de ville ici, et que l'humidité des forêts est plus redoutable à la santé et plus engendreuse de fièvre que l'humidité des marais putréfiés à 100 lieues du plus petit bois. En réalité, la salubrité indiscutable de Tunis est stupéfiante et ne peut être attribuée qu'à la pureté parfaite de l'eau qu'on boit dans cette ville, ce qui donne absolument raison aux théories les plus modernes sur le mode de propagation des germes morbides. L'eau du Zagouan, en effet, captée sous terre à 80 km environ de Tunis, parvient dans les maisons sans avoir eu, avec l'air, le moindre contact et sans avoir pu recueillir, par conséquent, aucune graine de contagion. L'étonnement qu'éveillait en moi l'affirmation de cette salubrité me fit chercher les moyens de visiter un hôpital. Et le médecin mort, qui dirige le plus important de Tunis, voulut bien me faire pénétrer dans le sien. Or, dès que fut ouverte la grande porte donnant sur une vaste cour arabe, dominée par une galerie à colonnes qu'abrite une terrasse, ma surprise et mon émotion furent telles que je ne songeais plus guère à ce qui m'avait fait entrer là. Autour de moi, sur les quatre côtés de la cour, d'étroites cellules, grillées comme des cachots, enfermaient des hommes qui se levèrent en nous voyant et vinrent coller entre les barreaux de fer des faces creuses et livides. Puis un d'eux, passant sa main et l'agitant hors de cette cage, cria quelque injure. Alors les autres, sautillant soudain, comme les bêtes des ménageries, se mirent à vociférer, tandis que sur la galerie du premier étage, un arabe à grande barbe, coiffé d'un épais turban, le cou cerclé de colliers de cuivre, laissait pendre avec nonchalance sur la balustrade un bras couvert de bracelets et des doigts chargés de bagues. Il souriait en écoutant ce bruit. C'est un fou, libre et tranquille, qui se croit le roi des rois et qui règne paisiblement sur les fous furieux enfermés en bas. Je voulus passer en revue ces démons effrayants et admirables en leur costume oriental, plus curieux et moins émouvant peut-être, à force d'être étranges, que nos pauvres fous d'Europe. Dans la cellule du premier, on me permit de pénétrer. Comme la plupart de ses compagnons, c'est le hashish, ou plutôt le kif, qui l'a mis en cet état. Il est tout jeune, fort pâle, fort maigre, et me parle en me regardant avec des yeux fixes, troubles, énormes. Que dit-il? Il me demande une pipe pour fumer et me raconte que son père l'attend. De temps en temps, il se soulève, laissant voir sous sa djeba et son burnou des jambes grêles d'araignées humaines. Et le nègre, son gardien, un géant luisant aux yeux blancs, le rejette chaque fois sur sa natte d'une seule pesée sur l'épaule qui semble écraser le faible halluciné. Son voisin est une sorte de monstre jaune et grimaçant, un Espagnol de Ribera, accroupi et cramponné au barreau, et qui demande aussi du tabac ou du kif, avec un rire continu qui a l'air d'une menace. Ils sont deux dans la case suivante. Encore un fumeur de chanvre qui nous accueille avec des gestes frénétiques, grand arabe aux membres vigoureux, tandis que, assis sur ses talons, son voisin, immobile, fixe sur nous des yeux transparents de chat sauvage. Il est d'une beauté rare, cet homme, dont la barbe noire, courte et frisée, rend le teint livide et superbe. Le nez est fin, la figure longue, élégante, d'une distinction parfaite. Cet homme Zabit, devenu fou, après avoir trouvé mort son jeune fils, qu'il cherchait depuis 2 jours. Puis en voici un, vieux, qui rit et nous crie en dansant comme un ours. « Fou, fou, nous sommes tous fous! Moi, toi, le médecin, le gardien, le bé, tous, tous fous !» C'est en arabe qu'il hurla cela. Mais on comprend, tant sa mimique est effroyable, tant l'affirmation de son doigt tendu vers nous est irrésistible. Il nous désigne l'un après l'autre et rit, car il est sûr que nous sommes fous, lui, ce fou. Et il répète « Oui, oui, toi, toi, toi, tu es fou !» Et on croit sentir pénétrer en son âme un souffle de déraison, une émanation contagieuse et terrifiante de ce démon malfaisant. Et on s'en va, et on lève les yeux vers le grand carré bleu du ciel qui plane sur ce trou de damné. Alors apparaît, souriant toujours, calme et beau comme un roi mage, le seigneur de tous ces fous, l'arabe à longue barbe, penché sur la galerie, et qui laisse briller au soleil les 1000 objets de cuivre, de fer et de bronze, clés, anneaux et pointes, dont il part avec orgueil sa royauté imaginaire. Depuis 15 ans, il est ici, ce sage, errant à pas lents, d'une allure majestueuse et calme, si majestueuse, en effet, qu'on le salue avec respect. Il répond, d'une voix de souverain, quelques mots qui signifient « Soyez les bienvenus, je suis heureux de vous voir. » Puis il cesse de nous regarder. Depuis 15 ans, cet homme ne s'est point couché. Il dort assis sur une marche au milieu de l'escalier de pierre de l'hôpital. On ne l'a jamais vu s'étendre. Que m'importe à présent les autres malades, si peu nombreux d'ailleurs, qu'on les compte dans les grandes salles blanches, d'où l'on voit par les fenêtres s'étaler la ville éclatante, sur qui semblent bouillonner les dômes des koubas et des mosquées. Je m'en vais, troublé d'une émotion confuse, plein de pitié, peut-être d'envie, pour quelques-uns de ces hallucinés, qui contiennent dans leur prison, ignorés d'eux, le rêve trouvé, un jour, au fond de la petite pipe bourrée de quelques feuilles jaunes. Le soir de ce même jour, un fonctionnaire français, armé d'un pouvoir spécial, m'offrit de me faire pénétrer dans quelques mauvais lieux de plaisirs arabes, ce qui est fort difficile aux étrangers. Nous dûmes d'ailleurs être accompagnés par un agent de la police bellicale, sans quoi aucune porte, même celle des plus viles bouges indigènes, ne se serait ouverte devant nous. La ville arabe d'Alger est pleine d'agitation nocturne. Dès que le soir vient, Tunis est mort. Les petites rues étroites, tortueuses, inégales, semblent les couloirs d'une cité abandonnée, dont on a oublié d'éteindre le gaz par place. Nous voici très loin, dans ce labyrinthe de murs blancs. Et on nous fit entrer chez des juives qui dansaient la danse du ventre. Cette danse est laide, disgracieuse, curieuse seulement pour les amateurs par la maestria de l'artiste. 3 sœurs, 3 filles très parées, faisaient leurs contorsions impures sous l'œil bienveillant de leur mère, une énorme petite boule de graisse vivante coiffée d'un cornet de papier doré et mendiant pour les frais généraux de la maison après chaque crise de trépidation des ventres de ses enfants. Autour du salon, 3 portes entrebâillées montraient les couches basses de 3 chambres. J'ouvris une 4e porte et je vis, dans un lit, une femme couchée qui me parut belle. On se précipita sur moi, mère, danseuse, 2 domestiques nègres et un homme inaperçu qui regardait, derrière un rideau, s'agiter pour nous le flanc de ses sœurs. J'allais entrer dans la chambre de sa femme légitime, qui était enceinte, de la belle fille, de la belle sœur des drôlesses qui tentait, mais en vain, de nous mêler, ne fût-ce qu'un soir, à la famille. pour me faire pardonner cette défense d'entrée, on me montra le premier enfant de cette dame, une petite fille de 3 ou 4 ans qui esquissait déjà la danse du ventre. Je m'en allais fort dégoûté. Avec des précautions infinies, on me fit pénétrer ensuite dans le logis de grandes courtisanes arabes. Il fallut veiller au bout des rues, parlementer, menacer, car si les indigènes savaient que le Roumi est entré chez elles, elles seraient abandonnées, au nid, ruinées. Je vis là de grosses filles brunes, médiocrement belles, en des taudis pleins d'armoires à glace. Nous songions à regagner l'hôtel quand l'agent de police indigène nous proposa de nous conduire tout simplement dans un bouge, dans un lieu d'amour dont il ferait ouvrir la porte d'autorité. Et nous voici encore le suivant à tâtons dans des ruelles noires inoubliables, allumant des allumettes pour ne pas tomber, trébuchant tout de même en des trous, heurtant les maisons de la main et de l'épaule, et entendant parfois des voix, des bruits de musique, des rumeurs de fêtes sauvages sortir des murs, étouffés comme lointains, effrayants d'assourdissement et de mystère. Nous sommes en plein dans le quartier de la débauche. Devant une porte, on s'arrête. Nous nous dissimulons à droite et à gauche, tandis que l'agent frappe à coups de poing en criant une phrase arabe, un ordre. Une voix faible, une voix de vieille, répond derrière la planche, et nous percevons maintenant des sons d'instruments et des chants criards de femmes arabes dans les profondeurs de ce repaire. On ne veut pas ouvrir. L'agent se fâche, et de sa gorge sortent des paroles précipitées, rauques et violentes. À la fin, la porte s'entrebâille. L'homme la pousse, entre comme en une ville conquise, et d'un beau geste vainqueur semble nous dire « Suivez-moi ». Nous le suivons, en descendant 3 marches qui nous mènent en une pièce basse, où dorment, le long des murs, sur des tapis, 4 enfants arabes, les petits de la maison. Une vieille, une de ces vieilles indigènes qui sont des paquets de loques jaunes noués autour de quelque chose qui remue, et d'où sort une tête invraisemblable et tatouée de sorcière, essaie encore de nous empêcher d'avancer. Mais la porte est refermée, nous entrons dans une première salle où quelques hommes sont debout, qui n'ont pu pénétrer dans la seconde, dont ils obstruent l'ouverture en écoutant d'un air recueilli l'étrange et aigre musique qu'on fait là-dedans. L'agent pénètre le premier, fait écarter les habitués, et nous atteignons une chambre étroite, allongée, où des tas d'arabes sont accroupis sur des planches, le long des 2 murs blancs jusqu'au fond. Là, sur un grand lit français qui tient toute la largeur de la pièce, une pyramide d'autres arabes s'étage, invraisemblablement empilés et mêlés, un amas de burnous, d'où émergent 5 têtes à turban. Devant eux, au pied du lit, sur une banquette nous faisant face, derrière un guéridon d'acajou chargé de verres, de bouteilles de bière, de tasses à café et de petites cuillères d'étain, 4 femmes assises chantent une interminable et traînante mélodie du Sud que quelques musiciens juifs accompagnent sur des instruments. Elles sont parées comme pour une féerie, comme les princesses des 1001 nuits, et une d'elles, âgée de 15 ans environ, et d'une beauté si surprenante, si parfaite, si rare, qu'elle illumine ce lieu bizarre, en fait quelque chose d'imprévu, de symbolique et d'inoubliable. Les cheveux sont retenus par une écharpe d'or qui coupe le front d'une tempe à l'autre. Sous cette barre droite et métallique s'ouvrent 2 yeux énormes, au regard fixe, insensible, introuvable. 2 yeux longs, noirs, éloigné, que sépare un nez d'idole tombant sur une petite bouche d'enfant, qui s'ouvre pour chanter et semble seul vivre en ce visage. C'est une figure sans nuance, d'une régularité imprévue, primitive et superbe, faite de lignes si simples qu'elles semblent les formes naturelles et uniques de ce visage humain. En toute figure rencontrée, On pourrait, semble-t-il, remplacer un trait, un détail, par quelque chose pris sur une autre personne. Dans cette tête de jeune arabe, on ne pourrait rien changer, tant ce dessin en est typique et parfait. Ce front uni, ce nez, ces joues d'un modelé imperceptible qui vient mourir à la fine pointe d'un menton, en encadrant dans un ovale irréprochable de chair un peu brune les seuls yeux, le seul nez et la seule bouche qui puissent être là, sont l'idéal d'une conception de beauté absolue dont notre regard est ravi, mais dont notre rêve seul peut ne pas se sentir entièrement satisfait. À côté d'elle, une autre fillette, charmante aussi, point exceptionnelle, une de ces faces blanches, douces, dont la chair a l'air d'une pâte faite avec du lait. Encadrant ces deux étoiles, deux autres femmes sont assises, au type bestial, à la tête courte, aux pommettes saillantes, deux prostituées nomades, de ces êtres perdus que les tribus sèment en route, ramassent et reperdent, puis laissent un jour à la traîne de quelques troupes de spahis qui les emmènent en ville. Elles chantent en tapant sur la darbouka avec leurs mains rougies par le henné, et les musiciens juifs les accompagnent sur de petites guitares, des tambourins et des flûtes aiguës. Tout le monde écoute, sans parler, sans jamais rire, avec une gravité auguste. Où sommes-nous ? Dans le temple de quelque religion barbare ou dans une maison publique ? Dans une maison publique ? Oui, nous sommes dans une maison publique, et rien au monde ne m'a donné une sensation plus imprévue, plus franche, plus colorée que l'entrée dans cette longue pièce basse où ces filles parées, dirait-on, pour un culte sacré, attendent le caprice d'un de ces hommes graves qui semblent murmurer le Coran jusqu'au milieu des débouches. On m'en montre un, assis devant sa minuscule tasse de café, les yeux levés, plein de recueillement. C'est lui qui a retenu l'idole, et presque tous les autres sont des invités. Il leur offre des rafraîchissements et de la musique, et la vue de cette belle fille jusqu'à l'heure où il les priera de rentrer chacun chez soi. Et ils s'en iront en le saluant avec des gestes majestueux. Il est beau, cet homme de goût. Jeune, grand, avec une peau transparente d'arabe des villes que rend plus claire la barbe noire, soyeuse et un peu luisante, rare sur les joues. La musique cesse. Nous applaudissons. On nous imite. Nous sommes assis sur des escabeaux, au milieu d'une pile d'hommes. Soudain, une longue main noire me frappe sur l'épaule et une voix, une de ces voix étranges des indigènes essayant de parler français, me dit « Moi, pas d'ici, français comme toi !» Je me retourne et je vois un géant en burnous, un des arabes les plus hauts, les plus maigres, les plus osseux que j'ai jamais rencontrés. « D'où es-tu donc ? » lui dis-je stupéfait. « D'Algérie !»« Ah, je parie que tu es kabyle !»« Oui, Moussi !» Il riait, enchanté que j'eusse deviné son origine, et me montrant son camarade, « Lui aussi !»« Ah, bon !» C'était pendant une sorte d'entracte. Les femmes, à qui personne ne parlait, ne remuaient pas plus que des statues. Et je me mis à causer avec mes deux voisins d'Algérie grâce au secours de l'agent de police indigène. J'appris qu'ils étaient bergers, propriétaires aux environs de Bougie, et qu'ils portaient dans les replis de leur burnou des flûtes de leur pays dont ils jouaient le soir pour se distraire. Ils avaient envie sans doute qu'on admirât leur talent, et ils me montrèrent deux minces roseaux percés de trous, deux vrais roseaux coupés par eux au bord d'une rivière. Je priais qu'on les laissât jouer, et tout le monde aussitôt se tut, avec une politesse parfaite. Ah, la surprenante et délicieuse sensation qui se glissa dans mon cœur avec les premières notes, si légères, si bizarres, si inconnues, si imprévues, des deux petites voix de ces deux petits tubes poussés dans l'eau, C'était fin, doux, haché, sautillant. Des sons qui voletaient l'un après l'autre sans se rejoindre, sans se trouver, sans s'unir jamais. Un chant qui s'évanouissait toujours, qui recommençait toujours, qui passait, qui flottait autour de nous, comme un souffle de l'âme des feuilles, de l'âme des bois, de l'âme des ruisseaux, de l'âme du vent. Entrer avec ces deux grands bergers des montagnes kabyles dans cette maison publique d'un faubourg de Tunis.